Il faut faire une lecture rapide de ce panneau et des panonceaux. D'emblée, on sait qu'on se dirige vers une autoroute. Il s'agit de l'autoroute A64. Ce symbole signifie que pour y accéder, je devrais prendre l'accès numéro 12, situé à 500 mètres d'ici. Je ne suis pas obligé de prendre cet accès. Donc, pas obligé de prendre l'autoroute. Réponse B.